Vieille romance par André Theuriet. Il y a longtemps qu'on l'a dit, murmura mon ami Tristan en secouant les cendres de sa pipe. Les sons comme les parfums ont une magie toute puissante. Rien ne surpasse le pouvoir d'évocation d'un vieil air que nous avons entendu dans notre jeunesse et qui résonne de nouveau à nos oreilles. Tiens, l'autre soir, dans un café-concert qui a pour spécialité d'exhumer les chansons jadis chères à nos grands-parents, une jeune femme, costumée en matelot napolitain, chantait une des premières romances de Gounod. « Dites, la jeune belle, où voulez-vous aller ?» Encore que la chanteuse ne parut pas trop comprendre le sens des vers de Gautier, néanmoins, elle avait la voix fraîche. Et le charme de la mélodie a suffi pour me ramener de 30 ans en arrière. Mon ami, en un clin d'œil, j'étais transporté dans la petite ville poitevine où j'avais entendu cet air pour la première fois. J'ai revu avec une très précise netteté les rues silencieuses où l'herbe pousse, les maisons à pignons avec la tourelle qui sert de cage à l'escalier de pierre, la vallée touffue où la rivière lente et sinueuse coule à plein bord sous les feuilles plates des nénuphars. Il m'a semblé que je voyais aussi s'écouler ma prime jeunesse paresseuse et ensommeillée, toute fleurie de rêves, toute gonflée de timides désirs. Le lointain passé a ressuscité pour moi. J'ai cru être encore dans le salon du rez-de-chaussée, mesquinement meublée, où une jeune fille de 20 ans, assise au piano, chantait la barcarolle de Gautier. Les fauteuils de paille, le piano entre les deux fenêtres, dont les volets à demi-clos laissaient passer un rayon de soleil, la chanteuse en robe de nankin pâle, avec ses cheveux retroussés, crêpés sur le front et ses accroche-cœurs sur les tempes, la coiffure à la mode en ce temps-là. J'ai revu toutes ces choses et j'ai éprouvé de nouveau les sensations d'autrefois. La jeune fille s'appelait Evelyne. Elle était pâle, un peu maigre, avec un regard fier et des mines dédaigneuses. On était encore romantique alors. Son air maladif, ses yeux bruns noyés de mélancolie, ses façons de regarder avec hauteur les gens qui la coudoyaient et de passer à travers les détails prosaïques de la vie comme un ange qui secoue ses ailes, me pénétrait d'admiration et me soulevait de terre. Je l'aimais avec un lyrisme tout platonique. « Dites, la jeune belle, où voulez-vous aller ?»« Où elle voulait aller, je n'en savais rien, mais je l'aurais suivie jusque dans les nuages. Je la dévorais des yeux, j'aurais donné tous les trésors, que je n'avais pas, pour baiser l'ourlet de sa robe. Et s'il m'avait demandé la fleur d'Anxoka, j'aurais été la lui chercher jusqu'au fond de la rivière. Mais elle ne me demandait rien, elle ne tournait pas la tête quand j'étais derrière elle, et si par hasard ses regards tombaient sur moi, il glissait sans s'y arrêter comme deux gouttes d'eau froide le long d'une toile cirée. Elle n'accordait aucune attention à ce garçon de 18 ans qui sentait encore son collège et qui, pour elle, était une non-valeur. Si j'avais eu plus d'expérience, j'aurais compris que cette jeune belle savait fort bien, pour son compte, où elle voulait aller. Elle rêvait, tout en modulant ses roulades, de s'embarquer pour la mairie avec quelque mari sérieux, le nouveau notaire ou le substitut de l'endroit. Mais j'avais le cerveau tout embrumé de fumée sentimentale et mon lyrisme romantique m'aveuglait. Ah, si j'avais été plus clairvoyant, ou moins coquemin, je me serais aperçu que la femme du vieux propriétaire, chez lequel Evelyne faisait de la musique, me regardait précisément avec cette même attention que je prodiguais en vain à la chanteuse. Madame Kaito avait 30 ans. C'était une poitevine pur sang, rondelette, potelée, pulpeuse, avec une petite bouche en cerise, des yeux noirs et de jolis cheveux châtains. Pour elle, le garçon de 18 ans, bachelier de la veille, n'était pas une quantité négligeable, et maintenant que j'y ressonge, je crois qu'elle n'eût pas demandé mieux que de m'aider à devenir licenciée à sciences amoureuses. La chose eût été facile. Le mari, vieux et cassé, joueur comme les cartes, passait toutes ses soirées au café des Halles. Il ne rentrait qu'à 10 heures et on l'entendait venir de loin dans la rue déserte et sonore. Tandis que M. Kaito jouait sa consommation au domino, moi, je tenais compagnie à Mme Kaito dans le salon du rez-de-chaussée où le piano ouvert et les fauteuils de paille me parlaient encore d'Evelyne. J'étais tellement idiot que j'employais ses heures de tête-à-tête à entretenir la dame des grâces et des mérites de la jeune fille. Elle ne m'écoutait que d'une oreille. À chaque instant, elle m'interrompait pour me prier de glisser un tabouret sous ses pieds ou de rattacher un bracelet sur son bras nu, très rond et très ferme. Parfois, sous prétexte qu'elle avait peur, la nuit, dans le corridor, elle me demandait de l'accompagner dans la pièce voisine, où elle avait oublié un livre. Et toujours, Il lui arrivait de trébucher dans l'obscurité et de s'appuyer contre mon bras en poussant de petits cris effarouchés. Peine perdue, hélas, je ne bronchais pas. J'avais la tête trop occupée d'Evelyne. Et puis pour moi, gamin de 18 ans, une femme de 30 ans paraissait d'un âge déjà mûr. À mes yeux, son vieux mari déteignait sur elle. « Dites, la jeune belle, où voulez-vous aller ?»« Je sais bien maintenant où je voudrais aller. Je voudrais rattraper mes 18 ans. Et la saison d'été où la jolie madame Kaito, le soir, dans le salon au siège de paille, perdait toujours ses pantoufles et me priait sournoisement de les lui remettre, service que je lui rendais le plus innocemment du monde. Quelle gaspilleuse que la jeunesse, quelle manqueuse de coche, pauvre de moi. Je ne m'aperçus que madame Kaito était jolie, et je ne compris son manège que la veille du jour où je devais partir pour prendre ma première inscription de droit. Ce jour-là, j'avais eu un crève-cœur, ayant appris le mariage de Lydia Levlin avec le notaire, et j'étais allé le soir conter mes doléances à madame Kaito. Je n'en finissais pas, et ma jérémiade dura bien 2 heures. La petite dame haussait les épaules et agitait nerveusement son pied dans sa pantoufle trop large. À la fin, impatientée, elle se leva. « Bois, vous vous consolerez à Paris. Vous apprendrez la vie. Allons, bon voyage, embrassez-moi. » Et nous nous embrassâmes. « Ah ! » soupira-t-elle, « quel nigaud vous êtes. Et si vous aviez voulu ?» En même temps, ses lèvres se posèrent sur les miennes d'une si affriolante façon que je reçus soudain un coup de lumière. Je la serrai à mon tour contre mon cœur en murmurant de confuses tendresses. Trop tard. Le pas du mari résonnait dans la rue déserte. Madame Kaito s'échappa de mes bras, mit un doigt sur mes lèvres. Je montai chez moi, et depuis je ne l'ai plus revue. La voile ouvre son aile, la brise va souffler. La voile m'a emporté bien loin de la petite ville Poitevine. La brise a soufflé 30 années de plus sur ma tête. Maintenant, Evelyne doit être une notaresse honorable, prude, sèche et bilieuse. La pauvre madame Kaito doit être ridée et blanche. Et moi-même, je ne vaux guère mieux, bien que je tressaille encore en entendant la romance de Gounod. Et là-dessus, mon ami Tristan, ayant terminé son histoire, ralluma sa pipe en fredonnant mélancoliquement. « Dites, la jeune belle, où voulez-vous aller ?» Ainsi s'achève vieille romance d'André Theuriet.